Bienvenue sur Comme un ouragan. Et bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Duo, Comme un ouragan. Et comme d'habitude, je vais annoncer l'heure. Il est 21h17. Non, pas du tout. 21h11. Aujourd'hui, dans l'émission Comme un ouragan, on a choisi de faire une petite formation sur BDS, boycott des investissements sanctions. Et notamment le groupe BDS de Saint-Étienne. Donc on va écouter une mini-formation qui a été réalisée sous forme d'interview. Alors, pourquoi est-ce que faire une émission sur BDS, ça fait du sens pour une émission féministe ? Voilà, c'est, on s'est dit, comme voilà, quand tu as déjà dit, comme émission féministe, on a eu très envie d'inviter BDS. Et en fait, c'est aussi un truc pour nous de dire, comme féministe, de lutter un peu comme toutes les formes d'oppression. Comme c'est souvent pas seulement une oppression qu'on subit, que dans toutes les oppressions, c'est toujours aussi un truc que les femmes qui subissent encore plus les oppressions. Alors que pour nous, ça fait du sens de pas seulement, on va dire, lutter pour une égalité entre hommes et femmes, mais de lutter en fait en même temps contre toutes les oppressions pour aussi lutter ensemble, collectivement. Et aussi de voir comme c'est aussi un truc, on va dire, une outil aussi, si c'est dans des guerres ou dans d'autres oppressions, d'oppresser des femmes, quoi, si c'est avec des viols ou d'autres choses. C'est quand même vraiment un truc qui nous tient à cœur de contre ça. Et en plus aussi après, dans tous les trucs de soins, de récupération, aussi après les oppressions, que c'est en majorité des femmes qui vont être là, en première ligne, on dit bien. Et voilà, c'était pour ça aussi, pour nous ça faisait du sens de faire une interview avec BDS. Ça faisait aussi du sens... j'ai perdu l'idée sur le fait de là dans l'émission de pas que faire des de pas que parler de choses qui nous concernaient directement, mais parler de choses qui faisaient du sens plus largement, parce que il y a, comme on vient de le dire, il y a des choses qui se croisent en fait, et que ça nous paraît important de faire de la lutte sur différentes choses en même temps. Ben voilà, et puis aussi parce que ça nous faisait plaisir aussi de causer avec une camarade activiste féministe de Saint-Étienne, Mounira, qui est justement très active sur la lutte BDS, et que c'était un vrai plaisir de prendre ce temps de l'interview. Et aussi, ce qu'on voulait dire, c'est que du coup, BDS fait des formations régulièrement, et notamment qu'il y en a à Saint-Étienne. Du coup, là, c'est une proposition, une écoute d'une heure où Mounira va expliquer un peu c'est quoi BDS, c'est quoi la colonisation en Palestine. Où il y aura aussi pas mal de musique qui va être passée d'artistes palestiniennes. Et voilà, en tout cas, faut pas hésiter à aller sur le site de BDS Saint-Étienne pour voir c'est quand les prochaines formations, parce que c'est hyper passionnant. Et puis on peut se lancer l'interview. On va écouter l'interview. J'espère que vous nous entendez bien, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de volume, mais on crie presque. Bon, on verra qu'est-ce que ça fait. Si vous êtes proche avec une oreille contre votre enceinte, il y a un truc qui ne marche pas, vous pouvez nous appeler aussi pour les dire. Sinon, on espère que ça marche. Et on va lancer cette petite... Bon, ce n'est pas du tout une petite interview. Comme on a dit, c'est plutôt une heure, mais aussi avec la musique. Alors, bonne écoute. Et à tout voilà. À l'heure. Et on va faire quand même... on va prendre la parole après. Mais là, on vous souhaite une bonne écoute. À tout à l'heure. BDS. Alors, ma rencontre avec BDS, elle est assez ancienne, finalement. Il y a très longtemps que je m'intéresse à ce qui se passe en Palestine. et que je cherche un peu des documentaires, essayer de comprendre un peu. Ce qui n'est pas toujours évident parce que en France, les informations autour de la Palestine, et je suppose que c'est pareil dans plein d'autres pays, mais c'est plutôt haché et c'est plutôt toujours décontextualisé. C'est un peu traité comme des faits divers, machin. Du coup, je faisais pas mal de recherches sur ce qui se passait. Et j'étais tombée, ça devait être en 2009, au lancement de la campagne BDS France. J'étais tombée sur une vidéo qui expliquait ce qu'était BDS et en quoi ça permettait de lutter contre l'occupation en Palestine. Et j'avais trouvé que c'était une réponse vraiment chouette dont tout le monde pouvait s'emparer. Comme ça, chaque individu avait un rôle à jouer. Et ça, c'est un genre de lutte qui me parle, en fait, de dire chacun a quelque chose à faire. Et donc ça, c'était en 2009, au lancement de la campagne. Ensuite, quelques années plus tard, en 2012, il y avait eu une guerre d'Israël contre la Palestine. Encore une fois, hein, il y en a régulièrement. Et à ce moment-là, j'avais contacté BDS France et, pour me renseigner un peu plus, etc. Donc j'avais été en contact, donc on avait un peu discuté, on m'avait invité à une rencontre BDS à laquelle j'avais pas pu aller. Et puis du coup je suivais les actualités de BDS mais un peu toute seule dans mon coin. Et puis en 2014 une autre guerre encore d'Israël sur Gaza. Et là à ce moment-là j'ai trouvé qu'il y avait les forces nécessaires qui avaient été rassemblées avec les manifs pour lancer le mouvement BDS à Saint-Étienne. Et du coup, comme j'étais déjà en contact avec quelqu'un de BDS, je l'ai recontacté et là, très vite, on a mis ça en place. Du coup, ça a été une période où je me suis beaucoup formée sur la Palestine et sur BDS. Et ce que je continue à faire depuis 2014. Donc ça fait 6 ans maintenant que BDS existe à Saint-Étienne. Et c'est quoi BDS exactement? C'est quoi cette campagne? D'où elle vient? Comment elle se place politiquement? Alors la campagne BDS, ce qui m'a plu moi tout de suite dans la campagne BDS, c'est qu'elle vient de Palestine. C'est pas nous, Européens, nous, Français, qui disons aux Palestiniens comment ils doivent se défendre. On leur a beaucoup fait dans le passé. Et là, pour le coup, c'est les Palestiniens qui décident pour eux-mêmes que une de leurs armes de lutte contre l'occupation, la colonisation, l'apartheid, ce sera une campagne de boycott. Donc BDS, ça veut dire boycott, désinvestissement, sanctions. Donc c'est les trois champs d'action de la campagne. Et cette campagne, elle s'inspire du modèle de boycott qui avait été utilisé pendant l'apartheid en Afrique du Sud. Et du coup, pourquoi les Palestiniens ont décidé de se baser sur cette campagne de boycott en Afrique du Sud? Déjà parce qu'elle est victorieuse et que même s'il y a encore des problèmes en Afrique du Sud, ça a quand même permis à la fin de mettre fin à la situation d'apartheid au moins au niveau juridique. Et que les Palestiniens avaient conscience depuis très longtemps qu'ils vivaient une situation d'apartheid, même si ce n'est qu'en 2017 qu'il y a eu un rapport de l'ONU qui conclut qu'Israël pratique l'apartheid contre la population palestinienne. Pour rappel, l'apartheid, c'est un crime contre l'humanité. C'est en fait la domination d'un groupe sur un autre. Je vous invite à consulter le rapport de Virginia Attillier et Richard Falk qui s'appelle Les pratiques israéliennes à l'égard du peuple palestinien et la question de l'apartheid. Donc il me semble qu'il est sorti en 2017. Mais peut-être qu'on pourra retrouver le lien. Il existe, ce rapport, il existe traduit en français et il est en PDF consultable et téléchargeable sur Internet. Donc en fait, c'est très important. Donc il y a des signes évidents d'apartheid en Palestine, comme des routes réservées aux colons, des routes entre deux villes qui font 10 minutes de trajet pour les Israéliens pour rejoindre deux points, et qui pour les Palestiniens font plus d'une heure avec un checkpoint au milieu, etc. Donc ça, c'est des situations claires d'apartheid. Après, on nous rétorque souvent que c'est pas la même forme d'apartheid qu'en Afrique du Sud. Et c'est vrai, il n'y a pas forcément exactement les mêmes... c'est pas forcément soit les mêmes manifestations que ça se présente, l'apartheid. N'empêche qu'il y a tout un tas de lois qui refusent aux Palestiniens les mêmes droits qu'aux Israéliens. Et ça, c'est typiquement l'apartheid. Pourquoi pour toi la situation de la Palestine, elle est particulière, et en quoi ça nous concerne ici en France ? Alors ça, c'est une question qui est intéressante parce que même si toi tu la poses de manière amicale, elle est souvent posée de manière frontale et un peu conflictuelle. Plutôt en concernant, en décidant que de fait ça nous concerne pas. Alors déjà, d'une part, je pense que ce qui se passe dans le monde entier, ça nous concerne. Hein. Dans tous les cas, on vit dans le même monde, on est censé vivre ensemble dans ce monde, donc ça nous concerne. Et ça nous concerne plus particulièrement parce que la situation palestinienne, elle découle d'un projet colonial qui est européen, qui a suivi de près toutes les grandes conquêtes coloniales européennes. D'ailleurs, c'est le dernier grand projet colonial européen, qui date de la fin du 19e siècle. Il faut qu'on ait en tête que c'est pas un problème d'arabe, que c'est pas un problème du Moyen-Orient de loin. C'est un problème d'abord européen. C'est d'abord des Européens qui décident d'aller coloniser un pays du Moyen-Orient. Ce projet colonial suppose que pour coloniser des gens, il faut les inférioriser. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans tous les projets coloniaux. Avant de pouvoir coloniser des gens, il faut montrer à quel point eux, ils sont moins humains, ils méritent moins... Ils méritent moins de vivre la liberté. Donc évidemment, dès le début, les Palestiniens, ils sont infériorisés, voire leur existence, elle est carrément niée. Il y a plein de campagnes à l'époque de la création de l'État d'Israël qui disent un État sans peuple pour un peuple sans terre. Donc en fait, ils considèrent que, donc au mieux, que les Palestiniens n'existent pas, et au pire, enfin je sais pas si on peut dire au mieux, au pire c'est pas terrible, mais dans tous les cas, on considère soit que les Palestiniens n'existent pas du tout, donc on les nie, et ça c'est vraiment ce qu'on porte comme ce qu'on affiche comme valeurs humaines, liberté, égalité, fraternité. C'est quand même grave. Donc soit on nie leur existence, soit on considère que c'est des sauvages, qu'ils sont pas assez civilisés, qu'ils ont pas été foutus de développer correctement la Palestine, etc. Et du coup, qu'ils ont besoin des colons. Donc en fait, quand on part de là, on peut tirer des parallèles avec la colonisation française en Algérie, avec la colonisation française, belge dans les pays d'Afrique, et comme voilà, plein de colonisations. Mais alors, du coup, si tu parles de colonisation, ça veut dire qu'on peut pas dire que depuis 70 ans il y a un conflit israélo-palestinien? Alors complètement. Je pense que cette rhétorique là, ce terme qui nous a été imposé de conflit israélo-palestinien, il est totalement inapproprié en fait. c'est comme si on avait parlé pendant la guerre, la guerre de libération d'Algérie, on avait parlé de conflits franco-algériens. En fait, non. Il y a une situation de colonisation, d'oppression du peuple palestinien. Et les Palestiniens n'ont pas été dans un conflit. Les Palestiniens, d'ailleurs, étaient dans une... Ils étaient prêts à accueillir les Juifs d'Europe, donc qui pour beaucoup ont émigré après le génocide européen. Mais il y en avait déjà quelques-uns qui étaient venus avant. Hein. Le projet de création de l'État d'Israël, il date de avant le génocide européen. Même si c'est vrai que de toute façon, depuis le Moyen-Âge, les Juifs, ils ont toujours subi en Europe les pogroms, l'antisémitisme. Voilà, ça c'est indéniable. Mais les Palestiniens étaient prêts à accueillir les Juifs d'Europe. Une partie de la population palestinienne était d'ailleurs juive. Hein. Ça, c'est quelque chose qui a été nié après par l'État d'Israël. L'identité palestinienne des Juifs, elle a été niée. Mais voilà, les Palestiniens, ils sont restés pendant longtemps sur l'idée de « on peut accueillir les Juifs d'Europe sans problème, mais par contre, on fait ça dans un seul État ». Et ça, encore une fois, c'est vraiment les pays européens et les États-Unis qui ont obligé les Palestiniens à abandonner cette revendication de vivre ensemble dans un État. Et tu parlais du coup du vocabulaire, le vocabulaire conflit israélo-palestinien, donc ça c'est déjà un problème de vocabulaire. Il y a un problème aussi de vocabulaire quand on dit le plan de partage de la Palestine. Quand on partage quelque chose avec quelqu'un, ça veut dire quand on partage un gâteau avec quelqu'un, ça veut dire qu'on le mange ensemble. Là, c'est pas un partage de la Palestine, c'est pas quelque chose qu'on fait ensemble, c'est quelque chose qu'on fait contre les gens. Donc en fait, c'est la partition de la Palestine, c'est pas le partage. C'est plutôt dans l'autre sens, c'est un crime, on découpe la Palestine en fait. Quand il date ce plan de partage ? Alors, y a le plan de partage de l'ONU de 1947. Ce que j'ai mis du temps à mettre des mots dessus, mais ça me dérangeait vraiment cette histoire de... Il y avait des gens qui militaient pour les frontières de 67. Donc c'est une guerre qui a été menée par Israël où d'autres territoires ont été conquis, beaucoup plus de territoires que les territoires qui avaient été décidés dans le plan de partage. D'ailleurs, l'ONU n'avait pas vocation à donner des terres... à quiconque, hein, c'est un plat de partage, déjà, ça n'a pas vraiment de sens, cette histoire. Mais bon. J'ai toujours entendu, moi, quand je fréquentais les milieux pour la Palestine, les organisations qui militaient pour la Palestine, j'ai toujours entendu, on est pour les frontières de 67, ou au mieux, on est pour les frontières de 47. Mais en gros... J'ai rarement vu remettre en cause cette idée de forcément devoir partager cette terre entre des gens. Et surtout, ce qui m'a toujours surpris, c'est le fait que tout le monde, alors qu'on vit dans des pays qui se disent laïcs, avec pour valeur la liberté, l'égalité, la fraternité, se dire que finalement on accepte de façon assez déconcertante le fait qu'on crée des états religieux. Parce que du coup on fait un état juif, ce qui veut dire que l'autre état en face, du coup, enfin ce qui va rester de l'état de la Palestine, parce que après il y a aussi une autre injustice, c'est la taille de l'État d'Israël compte tenu de sa population, qui est bien moindre par rapport à la population palestinienne et qui hérite de tout petits morceaux de territoire discontinu, ce qui favorise pas la circulation, etc. aussi. Mais du coup, c'est comment des États qui se disent laïcs et qui prônent la laïcité sont OK là pour faire des États confessionnels et de diviser les gens selon des critères religieux. Et du coup, je reviens sur les deux États, un État, parce que du coup, je me perds un peu dans ce que j'explique, mais En gros, les Palestiniens, ils ont été acculés à accepter deux États et ils ont été acculés par des accords qu'on dit de paix, mais qui n'étaient pas des accords de paix, qui étaient des accords de OK, on veut tellement arrêter de mourir qu'on accepte de lâcher des choses. Et du coup, ils ont été acculés à accepter deux États et... Là, tu fais référence aux accords d'Oslo en 94. Tout à fait. Donc les accords d'Oslo en 94, Yasser Arafat, on se rappelle de la poignée de main de Yasser Arafat et Rabin, où là ils se mettent d'accord sur deux États, sauf que Israël n'a jamais respecté aucun accord de paix, c'est-à-dire que même ce recul de la part des Palestiniens qui se sont dit à un moment donné ça peut plus continuer, on peut pas passer notre vie à être en guerre et surtout une guerre asymétrique et on veut arrêter de mourir là, maintenant ce qu'on veut c'est vivre, donc tant pis, on renonce à l'idéal de vivre ensemble, on renonce à une grande partie des terres palestiniennes, on veut la paix et finalement même ça sera jamais respecté puisque Israël n'avait dès le début pas la volonté de laisser le moindre morceau d'État à la Palestine. Et du coup, aujourd'hui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de voix qui s'expriment sur... En fait, j'ai l'impression qu'on a repris un peu de liberté et qu'on recommence à se questionner sur un État, deux États, ce qu'on avait un peu perdu. Et c'est venu notamment de voix juives israéliennes, comme Eyal Sivan, comme Michel Warchowski, comme Shlomo Sand, et des voix palestiniennes aussi, évidemment. Donc là, il y a un film et un livre de Eyal Sivan qui s'appelle Un État commun. Donc je pense que c'est intéressant maintenant de se questionner pour maintenant qu'on a, on a fait beaucoup de dégâts. Il y a un mur qui s'élève entre les villes palestiniennes et les villes israéliennes, entre les villes palestiniennes entre elles, il y a des checkpoints de partout, il y a des violations des droits humains qui sont reconnues par toutes les grandes ONG, par la plupart des organisations humanitaires, Amnesty International, il y a des rapports réguliers qui font état des violations des droits des Palestiniens, palestiniennes. Que c'est intéressant aussi de se re-questionner, pourquoi pas vivre ensemble. Moi, c'est du coup en 47, c'est là où ça commence le truc à deux États. En fait, c'est la reconnaissance par l'ONU qui propose un plan de partition de la Palestine. Bah, oui, moi j'ai l'impression, enfin tu me dis si je me trompe, mais moi j'ai l'impression qu'en 48 ils créent l'État d'Israël, ouais. Et du coup à partir de là Israël se pense comme État, et les Palestiniens essayent de résister, oui, et ça. De pas reconnaître cet État, oui. Jusqu'en 1994 où finalement ils se retrouvent obligés de reconnaître qu'il y a un État israélien, et donc par défaut s'il y a un État israélien il faudrait qu'ils fassent un État palestinien. Du coup, Israël n'a jamais voulu, par exemple, définir ses frontières. Ouais. Donc, à ce moment-là, la partition de 47, c'est une proposition qui est faite. Mais Israël n'a jamais voulu définir ses frontières, donc, et a continué à s'étendre notamment après la guerre des Six Jours, en 67. Et après, jusqu'à aujourd'hui, le grignotage de terre continue, la colonisation, etc. Et du coup, effectivement, c'est bien ça, c'est bien en 94, les accords d'Oslo, où les Palestiniens reconnaissent l'État d'Israël dans l'espoir d'enfin avoir la paix. Ça nous ferait partir loin de parler de ça, et du coup, ça sera peut-être dans une autre émission, mais par exemple, les Palestiniens qui résistent à la création de l'État d'Israël, il résiste depuis l'Afrique du Nord, qui à cette époque-là est dans des mouvements de décolonisation avec l'Europe. Ouais. Et ils sont alliés, enfin je sais pas comment dire, ils sont en Algérie, Yasser Arafat, etc. Ils sont en Algérie à cette époque-là. Du coup, au début, ils se pensent comme un mouvement décolonial et pas comme un nouveau mouvement nationaliste de formation d'une nouvelle nation qui serait la Palestine. Mmh. Tout à fait. Mais moi, c'est pareil, hein, c'est parce que vraiment je connais pas trop, mais du coup en 45 les Palestiniens, du coup il y a un État palestinien, comment dire, enfin c'est du coup que le peuple palestinien il est de fait en Palestine sur différents États. Et alors en fait ce qui se passe, c'est que la Palestine, elle est déjà administrée par les Anglais. Elle est déjà dans une situation de colonisation, sauf que c'est pas une colonisation de peuplement. En fait, elle est administrée par les Anglais, mais les Palestiniens vivent en Palestine et ont la liberté de circulation, de voilà. Donc ils sont et c'est il y a comme une passation en gros de pouvoir entre l'Angleterre et le nouvel État d'Israël. D'accord. Où là, les Palestiniens sont complètement, comme je disais tout à l'heure, ignorés, niés. Voilà. Okay. Et ça, c'est pareil, ce serait l'occasion encore de plus grandes discussions, parce que la Palestine, historiquement, c'est une région qui a une autonomie culturelle, linguistique, de pratique, etc., mais qui faisait partie de l'Empire ottoman. Et du coup, la stratégie de colonisation de la Palestine par l'Angleterre, c'est déjà une réponse à la fin de l'Empire ottoman. Enfin, ça branche sur encore d'autres choses, quoi. Oui, et puis y a les accords Sykes-Picot, où en gros, les Anglais et les Français, qui sont les deux plus grands empires coloniaux, se mettent autour d'une table et se partagent le Moyen-Orient. Et donc la Palestine, elle va aux Anglais, le Liban à la France, enfin voilà, il y a tout un partage. Et donc c'est pour ça qu'il faut aussi replacer ce qu'on appelle un conflit, mais qui n'en est pas un, dans toute cette dynamique des empires coloniaux européens en fait. BDS, c'est un mouvement en fait qui a très vite trouvé un écho. Il y a dans tous les pays européens quasiment, en tout cas tous les grands pays européens, il y a des mouvements BDS. En fait, elle est dans le monde entier, la campagne BDS, en gros. Ce qui fait aussi que c'est pas que nous, en France, qui nous interrogeons sur cette injustice qu'est subie par les Palestiniens, mais c'est aussi dans le monde entier, des gens de sensibilités extrêmement différentes qui trouvent que c'est complètement injuste, en fait. Voilà, du coup, c'est un mouvement qui prend de l'ampleur, mais c'est pas... La campagne BDS, c'est pas une association, en fait. La campagne BDS, c'est une campagne qui peut être portée par tout le monde, c'est plutôt porté par les camps progressistes, hein, forcément. Mais du coup, par exemple, la campagne BDS en France, c'est portée par une cinquantaine d'associations et d'organisations. C'est pas un fonctionnement d'association, vraiment, ça, il faut s'en rendre compte. C'est un fonctionnement vraiment de campagne et qui veut réunir largement. Et du coup, comment ça se passe si on est une association ou un collectif et qu'on veut rejoindre la campagne BDS ? Alors ça, c'est vraiment très simple. Il y a un appel BDS, donc il y a un appel palestinien de BDS, donc qui explique un peu... les revendications. Donc en fait, ce que j'ai pas dit en présentant BDS, c'est qu'il y a trois revendications principales de BDS. La première revendication, c'est la fin de l'occupation et de la colonisation. La deuxième revendication, c'est la fin de l'apartheid et l'égalité des droits entre tous les gens. Et la troisième revendication, c'est le droit au retour des réfugiés. Et en fait, là où la campagne BDS, je trouve qu'elle revient dans le terrain avec des revendications importantes pour les Palestiniens. Et c'est là que c'est important d'avoir des luttes qui viennent de Palestine, en fait, qui viennent des gens concernés. C'est que eux, ils disent le droit au retour des réfugiés, pour nous, c'est important. Pour nous, c'est un enjeu primordial. Et pendant des années, avant l'existence de la campagne BDS, la campagne BDS a été créée, donc elle a été lancée en Palestine en 2005. Avant ça, il y a des tas d'organisations dans le monde qui ont voulu lutter pour les Palestiniens, mais pas selon les souhaits des Palestiniens. C'est-à-dire que toutes ces organisations, pendant longtemps, elles ont mis de côté le droit au retour des réfugiés. Et d'ailleurs, pendant les accords de paix, et notamment les accords de Camp David, ce qui n'a pas été discuté du tout, c'est la question du droit au retour des réfugiés palestiniens. Pourtant, pour les Palestiniens, c'était important. Et on leur a dit non, mais ça, on verra plus tard. Parce que Israël est complètement contre. Et en fait, c'est marrant, quand je dis Israël est complètement contre, Israël est complètement contre pour les Palestiniens. Par contre, Israël a créé une loi qui s'appelle la loi du droit au retour aussi, qui considère que chaque juif du monde entier a un droit juridique et un droit moral de venir vivre en Israël comme si c'était un retour, en considérant que, après c'est des considérations bibliques, hein, qui disent que n'importe quel juif donc a le droit de venir vivre là-bas et de s'installer, etc. Et c'est ce même droit-là qui refuse aux Palestiniens, alors que les Palestiniens, ça fait pas 3000 ou 4000 ans, les Palestiniens, ça fait une, deux générations. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui vivent encore dans des camps de réfugiés, en Jordanie, au Liban, en Syrie. Tu peux nous expliquer un peu plus qui sont c'est quoi les réfugiés palestiniens, en fait ? Qu'est-ce qu'on dit quand on dit réfugiés palestiniens ? Alors, quand on dit réfugiés palestiniens... C'est une super question, en fait, parce que là, j'ai beaucoup parlé des Palestiniens et j'ai pas parlé du drame de 1948. Donc, on a beaucoup parlé de la partition de 1947. Mais du coup, la partition de 1947 de l'ONU, elle amène directement... En fait, c'est quasiment une autorisation de massacrer les Palestiniens. Et du coup, en 1948, il se passe ce que les Palestiniens appellent la Nakba. Et la Nakba, en fait, c'est des millions de Palestiniens qui sont chassés de leurs terres, chassés carrément de leurs maisons. Leurs maisons, elles sont confisquées, les villages, ils sont vidés de leurs habitants, donc ils sont chassés. Et y a des villages entiers qui sont massacrés, etc. Donc ça, c'est une date qui est commémorée chaque année par les Palestiniens. Et d'ailleurs, ils gardent tous comme symbole du droit au retour une clé. Parce que quand ils sont partis en 48, la plupart des Palestiniens pensaient qu'ils allaient revenir, que la guerre allait passer et qu'ils allaient revenir. Et en fait, ils avaient gardé la grande clé de leur maison. Et malheureusement, les Palestiniens ne sont jamais revenus. Donc il y en a qui se sont retrouvés chassés dans les pays juste autour de la Palestine. Donc en Jordanie, en Syrie, au Liban... tous les pays autour, mais il y a des Palestiniens qui vivent dans le monde entier. Par exemple, il y a une communauté palestinienne au Chili, et puis il y a des communautés, il y a des Palestiniens qui vivent en France, dans les pays européens, aux États-Unis, etc. Donc il y a vraiment des réfugiés palestiniens dans le monde entier. Et ça m'amène à parler aussi du blocus de Gaza, dont j'ai pas parlé, parce que c'est quand même assez important. En fait, depuis 2006, il y a un blocus sur la bande de Gaza, donc c'est un territoire au sud de la Palestine, au sud-est, qui borde la mer Méditerranée. Et ce territoire, il a été... on y a poussé des Palestiniens qui viennent d'autres villes de la Palestine. Dans ce que je disais tout à l'heure de l'actualité qui raconte des trucs mais sans expliquer... les marches du retour qui ont eu lieu là en Palestine toute l'année dernière et l'année d'avant, c'était des marches il y en a encore actuellement hein, des manifestations à Gaza. Les marches du retour, en fait, c'était à Gaza les Palestiniens qui marchaient vers la frontière avec Israël pour demander le droit au retour. Et en fait, c'est là que ça a posé aussi, ça a remis au cœur de l'actualité, en tout cas des gens qui s'y intéressent, la question des réfugiés intérieurs de la Palestine. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont enfermés dans Gaza sous un blocus, donc un blocus aérien, terrestre, maritime. Enfin, il y a seulement deux passages pour sortir de Gaza. Plus qu'un seul checkpoint qui va d'Israël à la bande de Gaza. Et c'est le seul endroit par lequel les Palestiniens peuvent sortir de la bande de Gaza. Ensuite, de façon officieuse, les Palestiniens, ils ont créé des tunnels pour accéder à l'Égypte en passant par la bande de Gaza. Et ça, c'était un moyen de se ravitailler en produits de première nécessité qui sont en pénurie à l'intérieur de Gaza. Et aussi une possibilité pour les Palestiniens de sortir pour les Palestiniens de Gaza de sortir de cette enclave et de cette prison à ciel ouvert. Du coup, les marches du retour, c'était aussi rappeler la situation des réfugiés palestiniens et des réfugiés de l'intérieur et le blocus de Gaza. Alors, les Palestiniens de Cisjordanie, c'est déjà très compliqué. Ils sont contrôlés dans leurs déplacements. Pour les Palestiniens de Jérusalem Est, par exemple, c'est aussi l'horreur. Ils se font harceler, détruire leurs maisons, etc. Pour les Bédouins, pareil, ils se font détruire leurs maisons régulièrement. On leur met même des amendes où ils doivent payer le prix de la destruction de leur maison. Donc parfois, ils sont obligés de détruire leur maison eux-mêmes pour pas devoir payer Israël après. Enfin, c'est vraiment l'horreur un peu pour toutes les catégories de Palestiniens, Palestiniennes, c'est l'horreur. Mais pour les Palestiniens de Gaza, je trouve qu'on leur enlève un droit qui est vraiment un des droits les plus élémentaires, c'est le droit de fuir. Quand tu vis un truc qui est vraiment injuste, tu vis une guerre, tu vis des bombardements et tout, le droit que tu devrais avoir, c'est de pouvoir partir pour éviter les bombardements. Et là, ça, ils l'ont pas, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont enfermés. Et quand ils sont bombardés, ils sont bombardés, voilà, ils sont enfermés, quoi. Donc c'est vraiment... À la fois, c'est vraiment inhumain, et à la fois, c'est devenu... C'est devenu presque normal. Je crois que... Je sais pas, en 2020, ça a l'air de pas tellement choquer, en fait. لأن الكل محتاج فن أنا مش بس بنت أنا بمثل الوطن أنا مربوط بحب الأفكار بحل مشاكل شعبية بيش صعب وقف الغضب صوتك ضرب لكل العرب بلشت الراب بدون أي عتاب صعب وقف بعد ما فتحت الكتاب تغيير مش رح يصير بلا ثورة أنا مسكت البيت عشان أضل من جواتي حرة مشيت بطريق فيش إله أي رجع لما صوتي بيروح بضل غني عبرة ليش تسأل توصلش حدودي أنا وجودي حديدي للأبد أنا مش رقم أنا مش عدد أنا البقاء على الأرض مدد مدد All I need in this life is to be free Free from this cage but I need a key The key for a life yeah waiting for me If only you've seen what my eyes still see Problems after problems in poverty Identified with the identity I'ma fight for my country till eternity Under the name of justice and humanity I wanna live, I wanna learn I wanna be successful Even if it's stressful just to stay alive For life I am grateful I'm right here and that's what I rap for All my life I've been paying the broken prices Depending on luck so I'm just throwing dice Years pass by and I'm living lifeless This is how my life is, this is not how life is وجودي ما بضرك أربع المكيف تاخذ كل حقوقك تعيش وناضل تشتغل تعرف شو قيمة حياتك أنا دو أجاعك أنا الوطن الجميل بعد ما تخونك كل أوطانك الحنان والأمان بعطيك أنا ضوء على طريق في دربك الحل للمشكلات لما تتشربك المرأة مش دائرة مفرغة هي الضوء وقت العتمة الحل وقت الأزمة الأخت الحنون الأم اللي بتصون طبيبة صديقة الفنانة المبدعة القائدة القاعدة للتجدد مش ضلع قصر هي تصحيح الضلوع حوا تبني عالمها حوا هي القوة مريمية النخاع صلبة العود رغم كل القيود من جواتي حرة من جواتي حرة رغم كل القيود من جواتي حرة من جواتي حرة رغم كل القيود من جواتي حرة من جواتي حرة رغم كل القيود من جواتي حرة من جواتي حرة تسألني عن الحرية زي اللي بيسأل الشمس على البرودة قبل ما تسألني عن الحياة اخرجني من تابوتي اعطيني المجال ليصرخ صوتي الحرية دواء للأوجاع غذاء للجياع مفتاح لأفواه تتقيد إفراج لعقول تستعبد مش كلام مقدس بأقدم تتدنس حريتي موجودة بكتبك مفقودة من حياتي أنا مش ملفت على المكاتب ولا جندر أنا بشر ولو لمرة تتذكر الحرية مش إنك تخيرني بالطريقة اللي فيها تستعبدني تجبرني على عمل شي وتستعملني وقت اللي بدك تكسبني وقت اللي بدك تقمعني بس بقول لك لا رغم كل القيود من جواتي حرة من جواتي حرة رغم كل القيود من جواتي حرة من جواتي حرة رغم كل القيود من جواتي حرة من جواتي حرة رغم كل القيود من جواتي حرة من جواتي حرة رغم كل القيود من جواتي حرة من جواتي حرة رغم كل القيود من جواتي حرة من جواتي حرة رغم كل القيود من جواتي حرة من جواتي حرة Il y a clairement une culture de résistance palestinienne et d'ailleurs il y a des symboles hein, qu'on connaît comme le kéfier et pour eux la culture c'est un enjeu plus fort que partout dans le monde même si voilà partout on aime la culture et nous en France en étant confinés on se rend compte à quel point c'est dur de vivre sans la culture. Mais en Palestine, comme en plus on les nie et on les en empêche, ça revêt vraiment un caractère de résistance. Et du coup, quand être un chanteur, un artiste, un compositeur en Palestine, c'est autre chose qu'en France, mais c'est comme les gens aussi qui font du sport et qui du coup peuvent pas participer aux compétitions internationales. Sont entre le chemin entre chez eux et leur lieu d'entraînement sont obligés de passer par des checkpoints enfin il y a vraiment toute une volonté d'empêcher ça et en fait je trouve que pour les Palestiniens tout revêt un caractère de résistance on peut parler de la culture mais on peut parler aussi de l'éducation de l'université, du fait que les Palestiniens, malgré les grandes difficultés à continuer à suivre un cursus scolaire, universitaire, ils s'accrochent vraiment à ça, quoi. C'est pour ça que un des volets de la campagne BDS, c'est aussi le boycott culturel. Bien sûr. Donc, c'est bravo pour cette belle transition. du coup, donc, la campagne BDS, c'est une campagne qui se veut complète et agir sur tous les domaines. Donc le boycott qu'on connaît le plus, en fait, c'est le boycott économique. Hein, c'est le fait de ne pas acheter des agrumes qui viennent d'Israël, de boycotter les produits israéliens en général. Et en fait, la campagne BDS, elle va plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, Israël, son projet principal, c'est de se donner une bonne image. Et en fait, c'est d'ailleurs le sens de leur projet. Ils ont créé une opération commerciale en 2005 qui s'appelle Brand Israël. Donc Israël devient une marque à promouvoir. Et pour promouvoir la marque Israël, il faut utiliser tout ce qui est possible, c'est-à-dire l'université, la culture, le sport, tout ce qui fait qu'un pays paraît cool, évolué, démocratique, progressiste même, parce qu'il y a aussi une utilisation des causes féministes, des causes homosexuelles, enfin LGBT, et l'utilisation de même des causes écologie, le véganisme. Enfin voilà, il y a vraiment une utilisation de tout ce qui est possible pour redorer l'image d'Israël. Et du coup, la campagne BDS, c'est vraiment à cette opération de promotion qu'elle vient répondre. Et effectivement, il y a une importance qui est mise sur le boycott culturel. Parce que on part du principe qu'un État qui pratique l'apartheid, c'est pas un État normal. Donc un État qui donne des droits supérieurs à un peuple sur un autre dans le même pays, sur des critères ethnico-religieux, c'est pas un pays normal et c'est un pays qui doit être sanctionné. Étant donné que le droit international n'est pas utilisé, n'est pas appliqué, que les pays qui pourraient voter des sanctions ne le font pas, qu'il y a quand même une grande impunité d'Israël, la campagne BDS, elle vient répondre à ça, mais par des moyens citoyens. Du coup, le boycott culturel, c'est... Alors ça, il faut le rappeler, et on le rappelle jamais assez, hein. C'est pas une punition contre des individus qui sont israéliens. C'est vraiment une atteinte à tout ce qui est des opérations de promotion israélienne, c'est-à-dire que des opérations de communication, des festivals qui sont subventionnés, soutenus par l'État d'Israël à travers l'ambassade d'Israël, mais à travers le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme. Voilà, donc dans ce boycott culturel, il y a aussi... on essaye de demander aux artistes français, européens, internationaux, de ne pas aller se produire en Israël, parce que c'est aussi une façon de montrer que c'est un État normal. Cette année, pour la première fois, il y a une équipe israélienne qui s'est inscrite autour de France. Et cette équipe, elle s'appelle Israel Startup Nation. Donc ça rentre clairement dans le cadre de Brand Israël, hein. C'est clairement promouvoir Israël. Et là, ce qui est assez impressionnant, c'est que nous, ça fait des années qu'on explique que Israël essaye de vendre sa marque, etc. Et là, c'est un milliardaire israélo-canadien, Sylvan Adams, qui a créé cette équipe et tout, qui finance tout ça. Et lui, il le dit clairement dans une interview sur France Télévisions, il dit clairement « Moi, j'ai pas de marque, ma marque, c'est Israël, je viens promouvoir Israël, etc. » Donc, c'est-à-dire que c'est aussi, là maintenant, c'est quelque chose qui est assumé, clairement, on vient promouvoir Israël en France. toujours utiliser le sport, mais aussi pour redorer des images voilà, de pays pas forcément très démocratiques et pas très respectueux des droits de l'homme. Du coup, on s'est mobilisé pour ce Tour de France 2020. Ça a été quand même des belles mobilisations, parce que sur toutes les étapes du Tour de France, il y a eu des gens avec des slogans « Boycott Israël », il y a eu des citoyens, des citoyennes, des gens qui étaient là avec des drapeaux palestiniens, des banderoles pour dire « Boycott Israël ». Ça, je trouve que c'est vraiment une belle victoire de la campagne BDS, c'est d'avoir pu mobiliser sur absolument toutes les étapes des gens pour dire non. Il y a même eu... donc France Télévisions a soigneusement coupé tous les passages avec les drapeaux palestiniens, sinon sur toutes les étapes on aurait vu, parce que vraiment, moi j'ai des images de toutes les villes où il y avait des drapeaux palestiniens. En ce moment, c'est quoi les grandes campagnes de BDS ? Donc il y a une grande campagne contre... Donc en fait, ce que j'ai pas expliqué tout à l'heure, et que du coup j'en profite là pour expliquer, c'est que... On boycotte pas seulement Israël, on boycotte aussi des entreprises qui sont pas forcément israéliennes, mais qui participent à l'occupation et à l'oppression du peuple palestinien. Et du coup, c'est pas forcément des entreprises israéliennes. Par exemple, on a une campagne en ce moment contre AXA. AXA a des parts dans 5 banques israéliennes qui ont été épinglées par un rapport de l'ONU parce qu'elles participent à la colonisation. Et AXA, ça c'est plus grave, AXA a des parts dans Elbit System. Elbit System, c'est une entreprise d'armement israélienne. Et cette entreprise d'armement, c'est celle qui fabrique les armes, et c'est celle aussi qui se vante de vendre dans les salons. Elbit System se vante de vendre des armes qui sont testées en conditions réelles. C'est-à-dire qu'un argument de vente, c'est aussi que ces armes, elles ont été testées sur les Palestiniens. Et AXA, qui a une charte éthique, comme la plupart des entreprises françaises, européennes, a une charte éthique qui parle de respect des droits humains, etc. Et elle a des parts quand même dans Elbit System et des parts dans 5 banques israéliennes. Donc la campagne de désinvestissement, elle a duré longtemps. On a demandé à AXA pendant longtemps de se désinvestir. Et aujourd'hui, les Palestiniens, le BNC, donc le Boycott National Committee, a décidé de passer à une autre étape. Donc là, on entre dans l'étape du boycott. Donc là, on demande plus simplement à AXA de désinvestir. Là, on appelle les citoyens à boycotter AXA. Ensuite, il y a une campagne contre Puma. Donc Puma, c'est ça rentre aussi dans le cadre du boycott sportif. C'est de la Fédération israélienne de football. Donc la Fédération israélienne de football, c'est comme la Fédération française de football. Hein. Il y a plein de tous les clubs, ils sont affiliés à la Fédération israélienne de football, dont les clubs qui sont situés dans les colonies, donc dans des terres qui appartiennent normalement aux Palestiniens et qui ont été volés par l'État d'Israël. Et là, on demande vraiment aux gens d'arrêter d'acheter des baskets, des casquettes, des t-shirts, des survêtements Puma. Donc en fait, il y a deux torts de Puma. Il y a le fait que ce soit le sponsor de la Fédération israélienne de football, mais il y a aussi les équipements, ils sont fabriqués par Delta Galil. Et récemment, il y a eu une liste noire de l'ONU a sorti une liste des entreprises qui sont impliquées dans la colonisation et dans les violations des droits humains. Et il y a Delta Galil dans cette liste. Il y a une campagne aussi qui est intéressante à mener, mais qui est plus difficile parce qu'il faudrait plutôt se diriger vers les municipalités. C'est une campagne contre CAF. Donc CAF, c'est une entreprise basque de tramway. Pas que de tramway, train, matériel ferroviaire. Et notamment CAF, c'est cette entreprise-là qui fournit les tramways de Saint-Étienne. Donc là, on est à Saint-Étienne, on est CAF. Elle entreprise qui va prolonger la ligne de tramway de Jérusalem. Donc, comme vous le savez ou pas, Jérusalem, c'est une ville qui est sous statut international. Donc, c'est une ville normalement qui n'est ni israélienne ni palestinienne, mais la ville concrètement elle est un peu partagée, et à Jérusalem-Est il y a la population palestinienne, mais il y a une politique de colonisation aussi à l'intérieur même de la ville de l'État d'Israël, c'est-à-dire que la ville elle a été étendue, et à l'avantage d'Israël. Donc ils construisent des colonies tout autour de la ville de Jérusalem. Et pour que les gens y habitent, il faut l'équiper. Donc ils l'équipent en tramway. Et c'est un tramway qui relie justement des colonies, donc en viol du droit international, et la ville de Jérusalem. Donc c'est pour ça qu'il y a un boycott de CAF. Enfin, c'est plus une campagne de désinvestissement, du coup... Il y a toujours la campagne des fruits et légumes qui viennent d'Israël. Hein. Je rappelle que nous, on n'appelle pas au boycott simplement des produits des colonies. On considère que c'est l'État d'Israël qui met en place la colonisation et qui viole les droits humains, les droits des Palestiniens et Palestiniennes. Et du coup, c'est l'État d'Israël qui doit être boycotté, et c'est pas seulement... les colons, les colonies, etc. Donc nous, on appelle au boycott de tous les produits israéliens. Et les campagnes plus anciennes, elles continuent, hein, comme le boycott de SodaStream, le boycott des produits cosmétiques Ahava. Ah. Donc ça, c'est tout. Ça, c'est pareil, c'est des problèmes qui rejoignent les problèmes aussi écologiques, etc. C'est en fait... Ahava, c'est tous des produits au bout, au sel de la mer morte. Et en fait, c'est aussi comment ils ont carrément asséché la mer morte. Une utilisation intensive, quoi. Une volonté de faire du profit. البلد هو مليارات الدولارات عشان نعيش في شتاء هو مليارات الدولارات عشان نعيش في شتاء مين رابي كلفتنا يا دوب رشين قدموها في اللي دمشق بعين الحلوه هو مليارات الدولارات عشان نعيش في شتاء هو مليارات الدولارات عشان نعيش في شتاء مسالم مثل الصوفي والبوذي لا توخذون انا مش مزوخي قصفوا مي بظرف شهر فك يوغا ما عاد يكفيني صمودي تخيل الي جيوشي نفوذي تخيل صورتي على نقودي عباية كلها خيوطي مش عباية كوتشي كوتشي طردنا نوال من البلد عرضنا وندر ومن بالبلد شايف النفاق يا ولد شو مفلس هالبلد لا تقدس هالبلد عزر البلد افتح شبابيك وعزل البلد نظف البلد زين البلد spring is coming فميل عالبلد بكل صوم راح والعقول تاح فقل لي يا ولد من يكنش البلد هو مليارات الدولارات عشان نعيش في شتاء هو مليارات الدولارات عشان نعيش في شتاء مين رابي قلبتنا يا دوب رشين qu'est-ce qu'il y a eu comme grande réussite de BDS dans le passé ? En fait, juste la Cour européenne des droits de l'homme, elle a reconnu le droit au boycott en condamnant la France. Donc la France, elle est condamnée à verser des dommages et... à verser des dommages à des Français qui avaient été condamnés pour avoir appelé au boycott d'Israël. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que la Cour européenne des droits de l'homme, elle reconnaît aussi que la France, elle respecte pas les libertés individuelles et le droit au boycott, ça fait partie des libertés individuelles, le droit d'appeler au boycott aussi. Et ce serait bien dans le même... Je sais pas si vous savez, en 2010, il y a Ali Omari qui a fait une circulaire qui s'appelle la circulaire Ali Omari et qui engage les tribunaux justement à poursuivre les gens qui appellent au boycott d'Israël. Et du coup, ça serait bien que cette circulaire aussi, elle soit abrogée. Donc, on a beaucoup on a beaucoup de batailles en cours, donc c'est pas une bataille principale de BDS, mais ce serait bien qu'elle soit abrogée aussi, cette circulaire, parce que, comme en ce moment, on voit qu'on revendique beaucoup, beaucoup la liberté d'expression, ça serait bien qu'elle bénéficie à tout le monde quand même, et même aux gens qui défendent les Palestiniens. Et j'ai une dernière question. Ouais. Pourquoi, en tant que féministe, ça a du sens de soutenir la Palestine ? Alors ça, c'est une grande question. Il faudrait faire une émission complète. Donc en attendant que vous organisiez une émission complète, je vais essayer de dire deux, trois mots. Déjà, le féminisme, c'est... Il y a plusieurs types de féminisme. Et il y a le féminisme que nous, on prône. C'est pas le même féminisme que certaines utilisent à des fins racistes, islamophobes, etc. Et je pense que peut-être il faut le rappeler de temps en temps. Notre féminisme à nous, c'est il prône avant tout l'égalité entre les gens, donc évidemment l'égalité entre les femmes et les hommes, mais l'égalité entre les humains en général. Et du coup, ce qui se passe en Palestine, c'est typiquement un cas où le féminisme a sa place et on doit être là. Et aussi parce que dans toutes les sociétés qui souffrent, ça c'est mon avis personnel, mais je pense que dans toutes les sociétés qui souffrent, il y a quand même des femmes qui sont au devant de ça et qui s'occupent des gens, qui s'occupent des enfants traumatisés, qui s'occupent des gens au niveau de leur famille, mais même au niveau de la société. Et je pense notamment à Samah Jaber, qui est une psychiatre et psychothérapeute palestinienne. Et je vous invite vraiment à lire son livre qui s'appelle « Derrière les fronts ». En fait, c'est une traduction de chroniques qu'elle écrivait régulièrement sur la Palestine et qui fait un travail salutaire en Palestine parce que, évidemment, c'est toujours pareil hein, dans ce qu'on expliquait du colonialisme. Il y a aussi l'idée que nous, on aurait besoin de soigner notre corps, notre santé mentale et tout. Et les autres, les sauvages, les Palestiniens, ils auraient pas besoin, eux, de soigner leur santé mentale. Mais quand on vit une situation d'oppression, d'occupation, de guerre perpétuelle, vous pouvez imaginer comme la santé mentale, elle est touchée, et notamment chez les enfants palestiniens. Donc ce travail-là, il est important, il est mené par une femme. Et une femme qui est arabe, qui est musulmane, qui est palestinienne. Et ça, pour moi, c'est aussi le féminisme qu'on doit soutenir. Dans le film de Alexandra Dolz, Derrière les fronts, on voit aussi Raouda Marcos, donc qui est une des responsables de l'association Aswat, donc un mouvement pour les LGBT. Et je trouve qu'elle explique un truc super intéressant. Elle dit, en gros, si on veut lutter contre... Je suis désolée, c'est pas une citation complètement fidèle, hein, mais c'est comme je me rappelle. Je me souviens qu'elle dit, en gros, si on veut lutter contre les oppressions qu'on vit au sein même de la société palestinienne, en tant que femme et en tant que personne de la communauté LGBT... il faut aussi qu'on commence par lutter d'abord contre l'occupation. Parce que il y a un truc qui nous enferme tous, toute la société palestinienne, avant même les questions internes, c'est la question de l'occupation. Voilà, c'était tout pour moi pour le féminisme. One of the main pillars in the thriving techno scene in Palestine. Give it up to Sama. Woo! Et donc, dans l'émission, on a pu écouter Sabrina Dawitch, Etija, Dame, et maintenant, on écoute la musique de Sama Abdulhadi. Et Monira, dans l'interview, déjà, on la remercie, et elle a fait référence à plusieurs auteurs. Elle a parlé d'un livre de Eyal Sivan et de Armel Labori, Un boycott légitime pour le BDS universitaire et culturel de l'État d'Israël. Elle a parlé de Eyal Sivan qui a fait des films. Elle a parlé d'un état commun, mais il y en a d'autres, vous pouvez regarder. Elle a fait référence encore à Sama Jaber, Derrière les fronts, un livre, et aussi un film réalisé par Alexandra Dolce. Et enfin, il y a Jean Stern, elle en a parlé, je ne sais plus, ou nous on voulait en parler, je ne sais plus. Mirage Gay à Tel Aviv, qui rappelle les stratégies de pinkwashing menées par l'État d'Israël. Et toutes ces références-là, on va essayer de les mettre aussi quand on va publier le podcast de l'émission pour que vous puissiez avoir accès à ces différents noms, ressources et musiques. On va vous souhaiter une bonne soirée et vous retrouver, alors pas la semaine prochaine, parce que c'est nos camarades de la France PU, mais la semaine d'après, le mardi 24 novembre, avec une émission en lien avec le 25 novembre, qui sera le lendemain, qui est la journée internationale de lutte contre les violences sexistes et patriarcales. Voilà, c'était Comme un ouragan, l'émission féministe, tous les mardis de 21 à 22. Non, pas tous les mardis, une fois sur deux. Et parfois on n'est pas là pile à 21h, c'est le temps d'ouvrir la fenêtre pour empêcher la circulation du virus entre nous. Du coup, vous inquiétez pas, on peut arriver avec un quart d'heure de retard. Et bonne nuit. On va écouter encore un peu la bonne musique que nous on a choisie pour notre nettoyage. Alors vous pouvez profiter. Bonne soirée. Et bonne soirée. Au revoir. Ciao.